Merci Jean-Paul Champeau pour nous avoir éclairé sur ce concept d'autodétermination en quelques minutes. Nous allons poursuivre cette journée avec un temps à deux voix pour aller encore plus avant sur cette question avec Julia Boivin et Cécile Philippe qui vont nous rejoindre. Cécile est facilitatrice dans un dispositif de soutien à l'autodétermination et formatrice au développement de nouveaux modes d'accompagnement. Et Julia Boivin est consultante et formatrice, chef du projet Académie des experts d'usage de la Fédération Paralysie Cérébrale. Intervention à deux voix donc. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de ça fait la deuxième fois pour ceux qui étaient là l'année dernière. Donc, merci de l'invitation. Et comme je ne voulais pas redire les mêmes choses, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une intervention à deux voix autour de la question. Alors, l'autodétermination, on va finalement pas tant y revenir dans le concept. Parce qu'en fait, alors on vous encourage à aller voir du côté du concept, c'est vachement intéressant. Nous, on va situer un point en amont. L'autodétermination, souvent, on dit que c'est quelque chose, on se centre sur la partie individu. C'est la personne qui choisit, qui développe ses capacités et ses habiletés pour choisir. Et c'est très chouette. Sauf que ça, ce n'est possible que si l'environnement autour fait un travail pour qu'elle puisse dire, agir et choisir pour elle-même. Et donc, du coup, là, on va plutôt vous parler de la question de l'environnement, de la question des relations humaines, de la confiance, tout ça, et de voir finalement les conditions de possibilité de l'émergence de l'autodétermination du côté des enfants, mais aussi et surtout des parents. Voilà, donc on vous a préparé un petit truc. C'est très sympa. Et ben bonjour à tous. Alors moi, c'est une première, je me suis fait alpaguer par Julia pour l'accompagner sur cette journée. Moi, je vais parler avec plusieurs casquettes et je voulais un peu préciser d'où moi je parlais. Donc effectivement, moi, j'ai trois casquettes. Je suis d'abord travailleur social de formation il y a longtemps et je suis depuis 10 ans facilitatrice donc sur un dispositif de soutien à l'autodétermination dont M. Chambeau a parlé pour l'association Prisme 21 Loire qui avant s'appelait Trisomie 21. Donc voici ma première casquette. Je suis depuis quelques années formatrice où j'accompagne des pros, des personnes autour des questions d'autodétermination, de développement du pouvoir d'agir et des savoirs expérientiels. Et puis j'ai une troisième casquette puisque je suis maman de 2 enfants neuroatypiques. Et de tout ça, eh bien on va essayer avec l'expérience aussi de Julia de vous partager un petit peu ce qu'on a préparé. On a des outils magiques. Je remeuble. Parce que. Bon. Juste, moi, du coup, effectivement, je n'ai pas dit, mais consultante formatrice dans la France entière sur cette question d'autodétermination et formatrice, chef de projet, Académie des experts d'usage. En gros, très court, c'est former des adultes qui vivent dans des établissements médico-sociaux avec des hauts niveaux de dépendance physique. Et parfois un peu cognitif aussi, de les former à réintervenir dans les écoles de travail social auprès des futurs professionnels et de monter en compétence sur la question du témoignage, plus faire un simple témoignage de narration de parcours de vie, mais un témoignage outillé autour de messages forts et d'anecdotes. Voilà. Ils sont 14 pour l'instant dans la France entière à faire ça. Voilà. Bien. C'est parti. C'est parti. C'est un film. Alors, pour commencer, on voulait un petit peu voir ce que chacun... On a parlé du travail avec les familles, et puis de cette rencontre, quand un parent est amené à emmener son enfant dans un centre de loisirs. Comment ça se passe ? Donc, on voulait d'abord vous faire réagir sur deux situations, qui sont des vraies situations, où la rencontre, elle ne se passe pas de la même manière. Donc je vous laisse, je vais, c'est pas très accessible, je suis désolée, j'ai pas fait du Falck, je sais pas s'il y a des... En tout cas, vous avez le droit de lever la main si c'est pas accessible. Donc la première situation, c'est une maman qui sollicite un centre de loisirs pour son fils qui a 12 ans. Et elle est reçue par le directeur qui tout de suite lui demande quels sont les besoins spécifiques de son enfant. Il propose, parce qu'il y a des besoins médicaux, de mettre un PAI en place. Et puis, il invite cette maman à venir un mercredi après-midi avec son fils pour qu'il découvre l'environnement avant de venir. Et puis, pour que les animateurs puissent rencontrer l'enfant. Il y a un recueil des besoins. Et puis, en fonction de ses besoins, un calendrier qui est proposé sur des temps d'accueil pour que l'environnement soit favorable. Première situation. Deuxième situation. Une autre maman d'un enfant de 8 ans qui sort d'une expérience difficile avec un centre de loisirs, donc qui prend contact avec un nouveau centre de loisirs dans son quartier. Consciente des difficultés de son enfant, elle demande une rencontre pour bien expliciter le projet de l'enfant, pour que ça se passe au mieux. Enfin, en tout cas, son projet d'accueil, comment elle envisage l'accueil. Donc, elle est reçue, sans souci. On accepte l'inscription. Parce qu'on lui parle que l'inclusion, c'est super important et qu'il faut le faire. Mais le professionnel n'est pas à l'écoute et considère en fait qu'il l'inscrit quand même en lui faisant une faveur. Tout de suite, madame, elle pressent que ça va être compliqué. Hein, elle a une espèce d'intuition où les choses vont être complexes. Comme elle est accompagnée par une facilitrice, elle sait que le pôle ressources handicap 42 existe, donc elle propose une rencontre à cette équipe qui refuse, en disant que, voilà, qu'ils ont déjà fait, qu'ils sont au top, ils savent très bien faire. Donc elle suggère aussi de pouvoir être présent le premier jour pour pouvoir transmettre les outils qu'elle utilise pour son fils, hein, puisqu'il y a des outils de communication pour gérer... Voilà, on n'est pas, c'est pas notre point fort, la technique. Faut que tu appuies. Et du coup, elle propose ça, de venir un petit temps au début. Mais cette proposition a refusé parce que les autres enfants ne comprendraient pas pourquoi il y a cette maman et pas leur maman et que finalement ça serait pas équitable pour les autres. Voilà. Donc on va vous demander. Puisqu'on est au 21e siècle, de dégainer vos smartphones et de faire un petit jeu, c'est-à-dire de pouvoir scanner ce petit QR code et de nous dire en un mot qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette situation, soit ces deux situations, et pour vous, quelle est la condition pour qu'un accueil soit possible et bienveillant. Alors, une réaction à chaud. Est-ce que... Alors, 15 personnes ont pu voter. Bon, donc on a illégal, différence de traitement, effarant, pratico-pratique, co-suivi, considération. Donc effectivement, on voit injustice, équité avec un point d'interrogation. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur deux situations à peu près identiques, on a deux résultats complètement différents. Donc, on peut se dire que peut-être ça tient aux parents et peut-être ça tient aussi à la manière d'accueillir et de prendre en compte les besoins dans la famille, les besoins d'un enfant et du coup, comment finalement la question de l'environnement là, est centrale puisque... ça va être tout l'enjeu de se dire j'accueille un enfant, effectivement ça peut me faire peur en tant que centre de loisirs, en tant que professionnel, on va pas se mentir, et en même temps comment je m'appuie sur les compétences de la famille et comment je m'autorise à faire confiance à la famille. Peut-être on va revenir sur... Ça amène la question des représentations. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que dans la première situation, ça ne pose pas de soucis. On pourrait, quand on, à la lecture de, du petit pitch, hein, que le directeur n'a pas de représentation particulière. En tout cas, il déroule, comme pour les autres enfants, voilà, le recueil des besoins. Et il va s'appuyer sur ce que va pouvoir lui amener la maman. Sur la deuxième situation, on voit que c'est plus complexe. Effectivement, il y a la question de la loi. Hein. Je dois t'inscrire, donc je t'inscris. Mais tu n'auras pas de traitement de faveur puisque tu ne peux pas venir sur le temps du mercredi. Les autres enfants ne conviendraient pas. Donc, on est sur des paradoxes, voilà, où effectivement, comment accueillir un enfant différent, comment prendre en compte, on a parlé tout à l'heure des expertises des parents, comment prendre en compte ces expertises-là, comment les reconnaître, et puis comment finalement aménager sans être non plus dans un traitement de faveur. Donc, il y a plein de choses qui s'opposent. Quand on travaille un petit peu effectivement avec ce type de public là et avec les pros, on a souvent affaire à deux types de points de vue. On pourrait, moi j'entends dans ma pratique que des parents sont dans le déni. Alors moi qui accompagne des familles depuis de nombreuses années, et puis peut-être Julia, toi tu peux aussi en témoigner, moi je ne pense pas que les parents soient dans le déni. Je pense qu'ils sont dans des perceptions différentes. Peut-être que je pense aussi qu'ils ne... C'est compliqué aussi d'avoir un enfant différent et de s'entendre toujours dire qu'il est trop comme ci, qu'il n'est pas assez comme ça. Qu'effectivement, on n'est pas dans le déni, mais peut-être on omet de dire certaines choses parce que la rencontre n'est pas toujours favorable et qu'il y a une espèce de petit jeu de séduction où il faut un peu vendre son enfant pour qu'il soit accueilli. Donc ça, c'est un point de vue. Et puis, on est aussi sur une objectivité des professionnels. C'est le professionnel qui sait, toujours. On peut les opposer entre ce que dit un parent et ce que dit un professionnel. Par exemple, moi, dans mon histoire personnelle, j'étais amenée à dire des choses de ce que je savais de mes enfants. Et on me disait bien que je n'étais pas la bonne personne, que c'était plutôt au niveau de l'école, hein, mais qu'à l'école, ce n'était pas pareil. D'accord, ok. Et puis quand je disais, en fait, je suis éducatrice spécialisée et je travaille dans un CSAD, c'était là, d'accord, ok. Et là, tout de suite, hop, je changeais de casquette, c'était magique. La porte s'ouvrait avec un tapis rouge et je me disais, mon expertise, je ne l'ai pas acquis avec ma casquette professionnelle, je l'ai acquis parce que je suis au quotidien avec mes enfants. Donc en fait, voilà, les parents, ils ont une certaine aussi forme d'objectivité. Qu'il faut reconnaître. Et qu'on est, voilà, quand on a préparé ça avec Julia, on s'était mis d'accord sur la notion de présomption de vérité et de se dire que chaque parent, par définition, dit la vérité, connaît son enfant et a des points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer. En fait, c'est la question de. Il y a des auteurs qui parlent de présomption de compétence ou d'incompétence. Oui, Candrien et Coralie Sarrazin, qui disent que quand on voit une personne en situation de handicap et quand on se projette un peu, on se dit « Ah ouais, ça va être compliqué, elle va pas pouvoir faire ça, et ça non plus. » Et donc on part du principe qu'il va pas pouvoir y arriver. Et donc du coup... Eux parlent de présomption de compétence. On va partir du principe que c'est possible. On va tenter un truc. On va voir comment on fait pour y arriver. Et à ça, moi, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu autour de la présomption de vérité. Ouais, mais les parents disent ça, mais bon. Pas trop leur faire confiance quand même, parce que bon, on les connaît. On les connaît, clairement. Non, on les sent pas. Non, je pense qu'on va rester sur... Et donc, du coup, vous partez du principe qu'ils mentent. Ou qu'ils sont pas fiables. ou que leur parent ne vaut pas autant que la vôtre. Et donc, du coup, ça met d'emblée quelque chose dans la relation de pas équitable, en fait. Puisque quand ils vont dire des trucs, vous allez avoir une voix dans votre tête qui va vous dire « Ouais, non, vraiment, non, nous aussi, on connaît, on sait bien comment il est cet enfant. » Ouais, et du coup, ça vaut autant que le point de vue des parents, et qui, eux, s'incantinent aussi les heures, le soir, les week-ends. Et donc, du coup, ben, effectivement, il va s'agir de co-construire et de se faire confiance mutuellement. Et donc, du coup, on va pas se mentir non plus que le handicap, ça fait peur. C'est pas très sexy. Pourtant, on essaye. On essaie de recruter, mais c'est pas... Voilà. Et donc, du coup, c'est pas très sexy. Et du coup, ce qui est important dans ce que dit Goffman, c'est qu'il parle du stigmate, que le stigmate, ça amène quelque chose qui fait que la personne n'est pas comme on l'attendait. Et qu'au nom de ça, ça bouscule toute la relation. Parce que, ah merde, ah, en fait, il est handicapé. Du coup, je suis plus du tout pareil avec lui qu'avec un autre enfant. Du coup, on va mettre des trucs en place parce que il est en fauteuil, ou avant même de savoir ses besoins et ses attentes d'ailleurs. De prime abord, on va pas agir de la même manière. Alors moi, j'en vois sur autre chose, hein, le nombre de fois où, et je m'en dis pour vous, le nombre de fois où en fin de conférence, on me tutoie, alors que on va pas enlever les couches ensemble, et que... Je suis pas sûre que vous allez tutoyer Monsieur Champeau, par exemple, ou Cécile. Et donc, de fait, quand il y a un handicap visible, eh ben, ça change quelque chose dans la relation. Même de votre côté, inconsciemment. Et donc, du coup, ce qu'on disait sur le déni, quand le stigmate est visible, il n'y a pas trop possibilité de faire comme s'il n'était pas là. Quand le stigmate est invisible, clairement, il va y avoir des stratégies pour pas dire. Parce qu'on sait très bien que au moment où on va poser le truc de mon enfant a un handicap, on sait très bien, et moi j'ai étudié sur la question des entretiens d'embauche, même chose, on sait très bien que dans l'esprit de la personne en face, il y a un petit vélo qui va commencer à tourner très très très très vite, en disant « putain, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et alors, mais ça se voit pas, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que machin ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou pas ? Et donc, on passe à côté de la rencontre. Et c'est OK d'avoir ces représentations-là. On n'est pas en train de dire qu'il faut avoir aucune représentation. C'est juste que, de fait, dès que vous posez quelque chose de l'ordre de la différence du handicap, clairement, ça change votre relation. Et vous prenez un risque en disant. Et les parents le savent très bien, parce qu'ils le vivent avec vous, mais ils le vivent à l'école, ils le vivent même dans la rue, ils le vivent à la MDPH, ils le vivent partout. Ce truc de la différence amène des comportements très différents et parfois une restriction dans les droits. Donc du coup, C'est un peu comme si vous alliez en entretien d'embauche avec une pancarte, avec votre pire défaut. Bonjour, prenez-moi, j'arrive toujours en retard. Mais prenez-moi, vraiment, vraiment, vous n'allez pas me regretter. Personne ne se pointerait en entretien d'embauche en affichant son pire défaut, en fait. Donc du coup, les parents, c'est pareil. Et donc du coup, juste pour... on y va dans les concepts, on est à fond. C'est juste que les concepts, c'est éclairant aussi pour mettre des mots sur ce que vous vivez au quotidien. Et pour vous répéter dans les repas entre amis. Mais donc du coup, c'est juste Axel Honneth qui a beaucoup bossé sur la reconnaissance. Reconnaître quelqu'un, ça se fait dans trois sphères différentes. La sphère de l'amour, du droit et de la solidarité. L'amour, on n'est pas dans « on s'aime et on va passer notre vie ensemble », mais on est dans l'ordre de la question des sentiments et de la reconnaissance affective. Quand il n'y a pas ça, eh ben, ça donne une fragilité émotionnelle, un sentiment d'inégalité par rapport aux autres et le sentiment de ne pas être utile à la société. Et ça, les parents d'enfants en situation de handicap, clairement, ils les cantinent tous, en fait. Quand on leur dit « Non, mais votre enfant, nous, on connaît. » Nous, c'est bon, on sait ce qu'on fait, on connaît. Ben, du coup, c'est un déni de reconnaissance. Quand on leur dit, ben non, mais en fait, ça va pas être possible. Pas chez nous. C'est trop compliqué, pas chez nous. Non, désolé, essayez ailleurs. Ben, c'est un sentiment d'inégalité aussi par rapport aux autres. Et quand on leur dit, ben... C'est pas possible parce que votre enfant, vraiment, est vraiment compliqué et qu'on met vraiment à part, ben on a le sentiment de pas être utile à la société. C'est pas très gay et ça n'aide pas beaucoup à la construction identitaire. Juste la question de... Ça joue à un endroit... Ça révèle des choses dont vous n'avez pas conscience, peut-être. C'est que souvent, on parle de l'annonce du handicap. C'est vrai que les parents, ils ont tous vécu cette annonce du handicap et comme une annonce qui serait unique. Une bonne fois pour toutes, hop, c'est bon, c'est fait. Et bien, en fait, non. C'est Marc Blanc qui a travaillé sur cette question-là. En fait, il y a plusieurs annonces. Et à chaque fois qu'il y a un truc compliqué qui arrive, et ben ça remet une pièce dans la machine et repasse par des étapes proches, j'aime pas du tout ça, des étapes du deuil, parce qu'il y a un peu de ça. Mais du coup, ça relance à chaque fois quelque chose, d'un travail sur eux-mêmes et d'une prise de conscience et du coup, tout en leur vie, finalement. Et donc, quand ils se sentent exclus ou qu'on leur dit, dans des termes parfois un peu rudes, des choses sur leur enfant, ben du coup, ça rejoue ça à l'infini. Madame B, inscrire son enfant au centre de loisirs, c'est extrêmement violent. Et en ayant déjà vécu une expérience négative sur la deuxième inscription, ça, voilà, on est sans cesse sur cette spirale-là. Et donc, du coup, juste, on a vu le déni de reconnaissance avant, et Honneth, il parle de qu'est-ce que ça fait quand il y a dans la reconnaissance, dans la sphère de l'amour, du droit et dans la solidarité, ben, il y a dans la confiance en soi, du respect de soi et de l'estime de soi. Et ça, c'est des choses que vous, que l'environnement, peuvent apporter aux parents. Pas l'estime de soi, le respect, mais la reconnaissance juridique, dans la sociale et affective. Alors, on parlait de reconnaissance, effectivement, de ce que développait Axel Honneth. On a aussi la question de la reconnaissance mutuelle et qu'effectivement, quand on accueille des enfants, on a deux points de vue. On a ce qu'on peut appeler les savoirs sachants, donc tout ce qui est dans la sphère professionnelle, et puis les savoirs profanes, ce que c'est un parent, mais ce n'est pas forcément classé dans un... Ce n'est pas reconnu comme quelque chose de sachant. Et la proposition, c'est de se dire que finalement, quand ces deux savoirs se rencontrent, bah, ça produit des choses assez intéressantes. Et moi, je voulais vous illustrer... Moi, j'accompagne des équipes, alors, en institut médico-éducatif notamment, sur cette question-là de comment travailler différent et comment travailler avec les familles. Et la dernière fois, sur une séance d'analyse des pratiques, il y a une professionnelle qui me relatait la situation d'une jeune fille pour qui c'est extrêmement compliqué l'accueil parce que c'est une jeune fille qui a des problèmes d'incomprésie. Et du coup, c'était assez compliqué à gérer au sein de l'établissement. Donc, ils avaient essayé tout un tas de choses... avec des récompenses, enfin, tous des outils super éducatifs et assez élaborés. Puis à un moment donné, on travaille beaucoup sur aller chercher aussi le point de vue des parents, travailler avec les familles. Et du coup, cette éduque, elle se dit, tiens, je vais demander à la maman, ça ne coûte rien. Donc elle lui demande ce qu'elle en pense. Et la maman, elle dit, bah, j'ai peut-être bien une idée, mais vous n'allez pas me prendre au sérieux. Et bah, allez-y. Et en fait, ce maman, elle dit, bah, en fait, ma fille, elle est hyper coquette. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait... Elle fait caca dans sa culotte pour qu'on la change parce qu'elle adore être bien habillée. Bon, donc ils se sont dit OK. Donc ils me racontent ça. Alors ils ont essayé de se dire bon, ils se sont dit allez, on y va, on tente. Donc ils ont fait une petite micro-équipe avec la psychomote, l'éduc, l'infirmière. Et ils ont passé un deal avec cette jeune fille en lui disant bon, s'il n'y a pas d'accident, il dit maman a joué le jeu, elle a mis un collant à paillettes, une belle robe. T'as le droit de t'habiller. Le matin, elle pouvait pas arriver comme ça parce qu'il y avait des activités, des ateliers. Bon, et ben, ça a marché. Alors que c'était rigolo de les voir discuter de ça en supervision parce qu'ils étaient sur. Enfin, ils y croyaient pas une seule seconde. Hein, quand ils expliquent ça, ils disent, bon, on l'a fait en se disant bon, allez, c'est Mme Philippe, elle nous a dit de travailler avec les familles, on essaye. Mais ça marche. Et du coup, il n'y a plus eu d'accident. Et comme quoi, d'avoir été chercher des solutions sachantes, avec plein d'outils qu'ils maîtrisent, bah, en fait, ils étaient à côté. Et d'avoir été chercher l'expertise de la maman qui connaît très bien sa fille, voilà, en tout cas, ça a permis de lever une difficulté. Donc, ça nous amène sur la question des savoirs expérientiels. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir expérientiel ? Un savoir expérientiel commun, on en a tous, c'est... ce qu'une personne va apprendre dans sa vie, de ses expériences personnelles, des actions qu'elle va mettre en place. Et puis, quand on vit une situation singulière, on parle d'expérience, de savoir expérientiel rare, c'est ce qu'une personne va pouvoir apprendre de son vécu, de ses expériences qui ne sont pas communes. Et on voit bien que dans le champ du handicap, plein de savoirs expérientiels se développent sans forcément que les gens en aient conscience. Mais du coup, c'est des savoirs expérientiels qui peuvent être vraiment utiles au quotidien pour d'autres quand on accueille des enfants atypiques. Il y a Claire Eschbauer, qui est une personne qui a fait une thèse hein, sur... elle a inventé un statut d'usagent, c'est-à-dire on parle d'usager, on parle de professionnel, et elle n'était pas usagée. Elle n'aimait pas ce terme, donc elle a inventé le terme d'usagent, c'est-à-dire que effectivement, j'utilise un service, mais j'ai mon point de vue, moi, de personne qui utilise. Et ce qu'elle dit, c'est que finalement, sur une échelle de connaissances, en fait, chacun va pouvoir nourrir de son point de vue, de sa place, selon son niveau, cette échelle pour pouvoir monter en compétences, monter en connaissances et que finalement, bah, chacun apporte sa pierre à l'édifice et peut permettre voilà, des accompagnements plus satisfaisants où chacun, finalement, va pouvoir amener son point de vue et trouver parfois des solutions bah, qu'on tous... Enfin, voilà, on est toujours plus intelligent à plusieurs, hein, mais en tout cas, voilà. Et du coup, pour aller dans ce sens de l'expertise des parents, il y a Handicap International qui a créé, alors il date d'il y a longtemps, et il a changé de nom, parce qu'avant c'était le concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses. Et en fait, non, ouais, ils ont un peu fait évoluer le truc. Donc, ça s'appelle le Fab Life. Et en fait, c'est un concours d'innovation fait par les parents et les familles de trucs trop bien, hyper adaptés, mais bricolo-bricolette, quoi. Avec les moyens du bord, et quoique de plus en plus, parce que imprimante 3D, tout ça, donc en fait, ça devient des vraies innovations, tout ça, et en fait, tous les plans sont en libre accès. Donc c'est gratuit, donc on peut reproduire ces innovations pour son enfant. Et en fait, il y a plein de trucs, mais cons, enfin, le truc de carrer un pot de yaourt pour éviter qu'il glisse sur la table, c'est con, mais en fait, il y a plein d'innovations hyper simples qui, avec des noms très rigolos, pour carrer un pot de yaourt, en fait. Et donc, ses parents-là et ses proches se sont rendus compte, finalement, de difficultés au quotidien, et ont pas attendu des pros pour des ergots ou quoi, pour régler le problème. Ils ont eux-mêmes créé, inventé des choses. Et donc, c'est une vraie plus-value aussi. Et donc, les parents que vous accompagnez, que vous accueillez, clairement, la possibilité de se dire qu'est-ce que vous avez créé, vous ? Qu'est-ce que... Comment vous faites, vous ? Parce que nous, on galère un peu, hein, mais du coup, peut-être vous avez trouvé des trucs. Et cette question-là, les parents n'ont tellement pas l'habitude qu'on la leur pose, parce que d'habitude, c'est les pros qui disent ce qu'il faut faire. Et là, le fait de retourner le truc en disant « Mais comment vous faites, vous ?» Vous pourriez nous dire, parce que en fait, c'est vous qui reconnaissez votre enfant. Et du coup, ça, c'est vachement intéressant, parce que ça va aussi, ça ne marchera pas pour tous les parents, clairement. Il y a aussi des parents, comme tous les parents d'enfants, qui déposent leur enfant et qui sont très contents. Et là, ben, peut-être qu'ils attendent une prise en charge, mais comme... Beaucoup de parents qui bossent en se disant « je pose mon gamin, je le récupère et comme ça, ça me dégage de la charge mentale et voilà. » Ça, mais c'est handicap ou pas, c'est voilà. Mais il y a peut-être des parents qui vont se dire « oh putain, on me demande, putain, je suis censée savoir un truc, trop bien. » Et juste pour vous, c'était une maman un jour qui m'avait... expliquer ça, on m'avait dit, je pense que tu te rends pas compte, en tant que parent, comment c'est compliqué d'admettre que tu n'arrives pas à accompagner ton enfant, que tu n'arrives pas à lui faire faire des trucs que tu as réussi pour les enfants d'avant, et que là, avec cet enfant, tu n'y arrives pas et tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'autres gens pour t'aider dans ton rang de parent. Et elle dit, c'est pas... faut passer par là, quoi. Et c'est compliqué, en fait. Et du coup, de venir les chercher sur... Mais en fait, vous êtes... Enfin, vous avez des compétences, vous avez des connaissances, et on a besoin de vous, et on va vous écouter. C'est déjà... faire un peu bouger cette question des représentations et déconstruire aussi les représentations que les parents ont dans la tête. Dernier truc rapidement, mon carnet parcours de vie, c'est super, c'est en libre accès, c'est génial. C'est une application pour les personnes qui peuvent favoriser les enfants ou adultes qui peuvent organiser. En fait, c'est une petite application où ils peuvent mettre comment m'accompagner, des photos pour montrer aux autres. Ça peut être ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant-hier. pour du coup pouvoir être en interaction seule avec d'autres gens, avec d'autres enfants, d'autant plus que maintenant les enfants et les tablettes, voilà, malheureusement ou heureusement, ils savent très bien s'en servir. Et donc du coup, ça peut aussi être un moyen d'entrer en relation avec des enfants, des étudiantes qui n'organisent pas, mais qui ont des trucs dans la tête. Et puis pour finir, on voulait aborder un dernier concept. Comme ça, vous repartirez bien chargé de concepts. C'était le concept de validisme. On est quand même dans une société où tout est pensé pour des gens qui sont dans la norme. Et le validisme, c'est vraiment ce système de croyances et d'attitudes qui favorise cette normalité au détriment de toutes les particularités. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit au quotidien, on parle de l'accessibilité, de prendre le bus, de retirer des sous à la banque, sonner. Moi, je travaille dans un bureau où ils nous ont mis des doubles interphones, avec l'interphone qui est très très haut. Donc, si on est en fauteuil, on peut pas ouvrir. Enfin, voilà, tout est pensé pour une certaine normalité, et que c'est intéressant de se questionner là-dessus et de repenser ce qui nous paraît évident quand on est dans la norme. Voilà, de questionner tout ça et de se dire, voilà, moi je voulais finir sur une phrase de Joseph Chovanec, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, c'est une personne autiste, et qui dit que finalement on est tous le bizarre de quelqu'un. Et ça c'est effectivement la question de comment vous n'allez pas pouvoir bouger tout le système, c'est mort. À demain, vous n'allez pas tout remettre en cause. Et si déjà vous prenez conscience des petites choses validistes que vous faites, il doit manger, il doit. J'ai une cas dans un foyer, elle doit, pour se servir de la salade, prendre les deux couverts en même temps et se servir comme ça, alors qu'elle ne prenait qu'un couvert et qu'elle arrivait très bien à se servir et qu'elle n'en mettait pas de partout. Et de dire, mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est que les enfants soient bien. En fait, et que du coup, c'est créer ce lien-là avec un des autres. Si déjà vous prenez en conscience que le handicap, c'est ni un truc pathos de oh bichon, le pauvre, oh là là, ça doit être tellement dur, je sais pas, bon, oui ou pas, ou oh là là, dis donc, il est handicapé, il faut qu'il soit hyper fort et on va l'aider à dépasser son handicap et machin. Non plus, on n'est pas obligé de dépasser rien du tout. On peut être juste qui on est et c'est déjà, voilà, s'arrêter là. Hein. Dépassez-vous ce que vous voulez, vos trucs, machin. Mais c'est vraiment cette question de comment on rencontre ce gamin comme un gamin, et les parents comme des parents, et comme les autres, enfin, comme on rencontrerait d'autres parents. Oui, il va y avoir des problématiques, oui, sûrement, mais déjà on va faire connaissance, et on va se faire confiance, et après on parlera, et du coup, c'est comment, si le parent ne dit pas, c'est qu'un climat de confiance n'y est pas, en fait. Donc c'est comment vous arrivez à instaurer un truc de « c'est ok ». Et donc c'est ça ton job. Et comment on peut faire équipe? Ce que tout à l'heure disait Monsieur Champeau sur, quand il parlait des Bersoldes, effectivement l'accueil d'un enfant c'est la même chose, c'est comment, c'est pas de mettre l'enfant au centre, mais de mettre l'accueil de cet enfant, et comment chacun autour finalement peut faire équipe avec l'autre, partager ses expériences. Et je pense que c'est complètement OK qu'un pro puisse dire « Mais en fait, là, je ne sais pas faire. » Parce que ça peut aussi rassurer des parents qui n'y arrive pas non plus et de se dire, il n'y a pas que moi qui n'y arrive pas. Enfin, voilà, je crois qu'il faut être aussi humble sur ce qu'on propose et qu'on est tous centrés sur le bien-être de ces enfants-là et comment chacun autour peut finalement essayer de travailler collectivement pour arriver à ça. Il faut qu'on s'arrête. Ouais. Oui.